Maintenant, contrôlez vos nouvelles connaissances. Écoutez l'anglais, donnez le français et ensuite répétez la bonne réponse. A historic town. Une ville historique. The South. Le Sud. A cathedral. Une cathédrale. Is situated. Se trouve. Who or which? Qui?